L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Pour la première fois depuis 60 années de suivi, des scientifiques ont observé une déviation importante dans la structure des vents de la stratosphère terrestre. L'origine de cette anomalie est inconnue. La stratosphère est la couche de l'atmosphère qui se trouve au-dessus de la troposphère, entre 15 et 45 km d'altitude. Le climat que nous connaissons est surtout le lieu de la troposphère, la couche la plus basse de l'atmosphère. Mais au-dessus, la stratosphère possède ses propres systèmes de vent qui sont très différents de ceux de la troposphère. La stratosphère équatoriale est notamment sujette à une structure de vent très particulière qui est appelée l'oscillation quasi-biennale, OQB. Ce phénomène voit une oscillation périodique des vents d'est et des vents d'ouest avec une très grande régularité. Les premières mesures de ces vents remontent à 1953 et l'oscillation a été découverte au tout début des années 60. Chaque cycle débute avec des forts vents d'ouest qui parcourent la stratosphère en formant une ceinture autour de l'équateur. Puis après environ 14 mois, ces vents d'ouest faiblissent très sensiblement et descendent en altitude et sont remplacés par des vents d'est qui descendent de plus haute altitude en se renforçant. 28 mois après le début du cycle, les vents d'est faiblissent à leur tour et laissent la place aux vents d'ouest qui reprennent de la vigueur. Le phénomène périodique d'un peu plus de 2 ans est observé depuis maintenant 60 ans et n'a jamais changé. Sauf à la fin de l'année 2015. En utilisant des sondes aéroportées sur des ballons stratosphériques en différents endroits de la Terre, une équipe de scientifiques du Goddard Space Flight Center de la NASA a observé qu'à la fin 2015, l'oscillation quasi-biennale ne se comportait pas comme d'habitude. Les vents d'ouest, au lieu de faiblir et de descendre pour laisser la place aux vents d'est, ont remonté et ont bloqué la descente des vents d'est, empêchant leur dominance. Par ailleurs, des vents d'est additionnels totalement inédits sont apparus plus bas dans la stratosphère. L'anomalie a duré environ 6 mois. En juillet 2016, la situation semblait être revenue à la normale. L'oscillation quasi-biennale a une grande influence sur toute la stratosphère. Le taux d'ozone à l'équateur varie environ de 10% entre les pics des deux phases est-ouest. Et il a été montré que l'OQB possède aussi un impact sur le taux de déplétion d'ozone au niveau des pôles. Paul Newman et son équipe essayent maintenant de comprendre ce qui a bien pu se passer là-haut, ce qui a bien pu provoquer cette soudaine anomalie. Ils cherchent également à savoir quelles peuvent être les conséquences de ce phénomène. Ils ont d'ores et déjà 2 hypothèses au sujet des causes. La première est le phénomène El Niño, qui a été particulièrement intense en 2015-2016, le plus fort jamais observé. Et la seconde est la hausse des températures globales de l'atmosphère. L'année 2015 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, et l'année 2016 va lui succéder dans ce triste record. Quant aux conséquences, il est très difficile à ce stade de les prédire. L'article est publié dans la revue Geophysical Research Letters. Donc l'article de Paul Newman s'intitule « The Anomalous Change in the QBO in 2015-2016 ». Le lien est en bas du billet, bien entendu, comme toujours, sur Ça se passe là-haut. Allez, restez bien à l'écoute, donc, sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Le blog où l'univers de la Terre se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast, comme toujours, sur iTunes, ainsi que sur podcloud.fr et ainsi que sur Stitcher. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et surtout les pieds sur terre. Allez, salut !